Je me tournai vers mes hommes. « Lieutenant Wilkins, avancez. Voici un bon élément. » Le lieutenant était un pisteur exceptionnel. Un jour, il avait suivi la trace d'un chameau dans les dunes du Sahara. Il s'avança rapidement en entendant mon ordre. « Oui, monsieur, » dit-il d'un ton vif. « Vous et moi accompagnerons cet homme dans la garnison. Vous allez chercher des traces nous permettant de déterminer ce qui a tué nos hommes. » Je m'adressai à mes troupes. « Quant à vous, vous allez rester à l'intérieur du périmètre et monter la garde. » Nous franchîmes tous trois les limites de la garnison. Nous marchâmes précautionneusement, tandis que le lieutenant Wilkins scrutait les alentours à la recherche de signes sur le sol. Le villageois nous dit « Je suis arrivé ce matin et je suis entré seul dans la garnison, commandant. J'ai trouvé des hommes juste là, devant. Ils sont éparpillés, comme si le dieu avait joué avec eux avant de les tuer. Ils se sont engagés dans un rude combat, d'après ce qui indique les traces. » Soudain, nous découvrîmes le massacre. C'était épouvantable, comme si les hommes avaient été déchiquetés en plusieurs morceaux. 5 soldats, réduits en charpie humaine. Voilà qui était très démoralisant. La scène était telle que le villageois l'avait décrite. Des cartouches en cuivre vides étaient dispersées çà et là. De toute évidence, le sergent avait mené un combat vaillant et les hommes étaient morts avec honneur. Je songeais mentalement à missionner un détachement pour les funérailles. Et je commençais à songer aux lettres que je serais contraint d'écrire aux familles des hommes disparus. Le lieutenant m'appela. « Commandant, il faut que vous veniez voir, monsieur. » Je rejoignis d'un pas vif le lieutenant. Il montrait le sol. Là, bien dessiné dans la boue, se trouvait l'empreinte d'un gros chat, aussi large qu'un gant de baseball américain. Plusieurs autres traces se détachaient tout autour, et le lieutenant racontait ce qui s'était passé, comme s'il lisait une histoire dans un livre. « L'animal est arrivé d'ici, » fit-il, en désignant l'arrière de la garnison. « Et a pris le sergent et ses hommes par surprise, monsieur. » Ils étaient hors des baraquements, sans doute pour essayer de trouver un peu d'air frais ou pour fumer. « Si vous regardez par ici, » dit-il en pointant à nouveau le sol du doigt, « l'animal s'est jeté sur eux. Ils se sont bien battus, monsieur, mais ce n'était pas suffisant. Quand il a terminé, l'animal est reparti par là où il est arrivé. » Le lieutenant secoua la tête. « Il y a autre chose, commandant. Qu'y a-t-il, Wilkins ?» Monsieur, d'après les traces, cette chose est énorme. Elle semble mesurer 2,50 mètres de longueur, et allant juger par la profondeur des traces, elle pèse presque 450 kilos. Je n'avais aucune raison de ne pas croire le soldat. J'avais vu les empreintes de pattes, il était logique que la bête de l'animal correspondait aux marques. Je me tournai vers le chef du village, et lui présentai mes excuses pour mon incrédulité initiale. Il les accepta de bonne grâce. Puis je demandai au lieutenant s'il pouvait remonter la trace de la bête dans la jungle jusqu'à son repère. « Oui, monsieur. » « Très bien. Voici ce que nous allons faire. Je veux que vous choisissiez 20 de vos meilleurs hommes. Nous partirons au point du jour. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser en vie une bête de cette taille, pas en sachant qu'elle aime la chair humaine. » Un nouveau problème se posait. Je voulais que le chef du village nous accompagnât. Je me tournai et demandai à l'homme s'il serait d'accord pour venir avec nous. À ma grande surprise, il accepta. J'étais sidéré. Les villageois étaient terrifiés par la bête, et cet homme allait participer à la traque et à la mise à mort de l'animal. Je renvoyai le lieutenant, avec pour ordre de mettre en place une escouade pour les funérailles. En outre, aucun homme ne devait rester à l'extérieur après le coucher du soleil. La gouvernante du colonel, une matrone corpulente du nom de Madame Travers, entra dans le bureau pour débarrasser le plateau à thé. « Colonel, votre invité restera-t-il pour le dîner ?» demanda Madame Travers. Le colonel jeta un coup d'œil sur l'horloge comtoise. « Juste ciel, Helmsley, mon histoire nous a occupés toute l'après-midi. Vous devez rester pour le dîner. » « Je ne voudrais pas m'imposer, colonel, » répondit Helmsley. « Baliverne, vous ne m'importunez pas du tout. » Le colonel se tourna dans son fauteuil. « C'est décidé alors, Madame Travers. Helmsley se joindra à nous pour le dîner. » Madame Travers acquiesça et sortit du bureau avec le plateau. « Bon, Et maintenant, bon sang, où en étais-je? Ah oui,